j'ai voulu tout oublier. J'irais sur le passé pour ne plus souffrir, n'avoir plus à pleurer. À nos pleurs, à nos rires, à tout ce qu'il faisait rêver, qui me tarde encore de revivre tous ces moments, moments magiques, moments de folie. Une romance d'amour, une romance rien que pour nous. Moment magique, moment de folie. Une romance d'amour, une romance rien que pour nous. Romance d'amour, une romance bien